Il est midi 55 minutes. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal dont voici la charpente. Une personne est morte, 20 autres blessés dans une attaque à la grenade hier soir en zone Giza. 13 mai 2016, 13 mai 2015, une année déjà, c'est une date de triste anniversaire pour le monde des médias chez nous. Nous y reviendrons dans ce journal. Et le reportage du jour nous conduira à Moutaro avec Joseph Nsabiabandi qui nous parlera de l'insécurité qui règne dans le site des déplacés et cela fait des jours. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13 mai 2016, cela fait une année que des radios privées sont fermées dans le sillage d'une tentative de coup d'État avortée. Ces 5 radios ont été détruites dans la fraîcheur de cette tentative de renversement des institutions. Du coup, le pluralisme d'opinion s'en est vu compromis. Certains de nos confrères sont à l'exil depuis cette date. La rédaction Isanganiro revient sur ces faits de triste mémoire. Marie-Ange Zeyman. Cette date du 13 mai rappelle la destruction de la première radio indépendante, à savoir la radio-télévision Rema FM. Juste le lendemain, le 14 mai, la radio-télévision Renaissance, les radios RPA, Bonécha FM et Isanganiro subissaient le même sort pour être interdites plus tard de fonctionner, toutes dans le sillage d'une tentative avortée de coup d'État. Nous ne pourrions pas passer sous silence les radios communautaires de l'intérieur du pays, comme la RPA Ngozi et Rumuliza de Gitega, fermaient les jours qui ont suivi sur injonction des gouverneurs de ces provinces. S'en est suivi l'exil de bon nombre de nos confrères, craignant pour leur sécurité. Voilà le décor qui a fait disparaître en un laps de temps le droit à l'information, la liberté d'expression et d'opinion à travers le pluralisme médiatique. Un mois est passé, deux mois, trois mois. Les uns et les autres s'attendaient à la réouverture imminente de ces médias tels que ne cessait de le réclamer l'opinion nationale et internationale pour le bien de tous. Ce n'est que le 19 février dernier, un peu plus de 9 mois après, que deux de ces 5 stations, Isanganiro et Rema, ont reçu l'autorisation de reprendre leur programme. Le procureur général de la République justifiait la fermeture des radios privées par des enquêtes sur l'une ou l'autre responsabilité dans leur destruction d'une part et de la responsabilité de ces dernières dans la tentative de coup d'État du 13 mai d'autre part. Une année entière après, l'opinion s'interroge. Où en sont ces investigations pour que les médias blanchis soient réouvertes? Tout ce que l'on sait, c'est que les mandats d'arrêt ont été émis par la justice contre certains journalistes et directeurs de ces radios, aujourd'hui en exil à l'étranger. En tout état de cause, rien n'empêche la justice de mener ses investigations sur toute personne présumée responsable dans ceci ou cela, mais encore, rien n'empêche que son médium continue ses programmes. Non, nous ne faisons pas d'illusions, et tout le monde est unanime là-dessus. La presse, quelle que soit écrite, parlée ou audiovisuelle, reste un des piliers de la démocratie et du développement de toute nation. Les médias sont, si l'on devait le répéter, les canaux privilégiés par lesquels passent les aspirations de la population et en retour, les programmes de sensibilisation de cette dernière par les dirigeants pour l'harmonie de la vie nationale et la liberté de tous. Et une démocratie sans presse libre, faut pas rêver. La réouverture des médias qui sont encore fermés est une préoccupation du Conseil national de la communication. Cela a été dit par le président du CNC dans un panel organisé le 3 mai lors de la Journée internationale de la liberté de la presse. Karenga Ramazani a fait savoir que cela fait partie de l'un des engagements pris à Bruxelles. Suivez Karenga Ramazani. Oui, c'est une préoccupation. Même, vous avez vu que mon prédécesseur avait déjà réouvert la radio, la station Sanganiro et la station Rema FM, mais aussi penser aux autres nouveaux organes, puisque moi, souvent, je suis gêné. Il y a les gens qui ne parlent que des organes qui ont été abîmés, fermés, ainsi de suite. Il y a des nouveaux organes. Au CNC, on a agréé des nouvelles stations de radio. Depuis qu'on est là, il y a au moins 3 qui ont été agréées. Il y a d'autres qui vont aussi ouvrir. C'est-à-dire la promotion, pour moi, de la liberté de la presse, la diversification des médias. Il faut que ça touche aussi des nouveaux organes. Karenga Ramazani, c'est le président du Conseil national de la communication. Dans la suite de ce journal, une personne est morte vers 20h hier soir à Gwiza, des suites d'une déflagration d'une grenade lancée dans un débit de boisson situé à la 9e avenue au numéro 32. L'on dénombre une vingtaine de blessés selon le porte-parole adjoint de la police, Moïse Ngruziza, qui ajoute que des tirs qui visaient des agents de la police ont été entendus au quartier 5 à Ngagara et que des enquêtes sont en cours. Et des centaines de personnes ont été arrêtées ce matin par la police en zone Moussaga, avant d'être relâchée plus tard, sauf une personne dont on dit qu'elle était parmi les personnes recherchées. Les activités ont été suspendues à l'école fondamentale de la première avenue. Francine Deokougaï. Ce sont les voix des élèves de l'école fondamentale Moussaga 1. Ils n'ont pas suivi les cours de ce vendredi matin suite aux arrestations opérées par la police sur les premières, deuxième avenue de Moussaga et une partie d'Ogasekebouye. Avant 9h, des attroupements s'observaient devant le camp communément appelé camp jaune, se trouvant juste à la première avenue derrière l'école fondamentale. C'était des parents, voisins et amis de ceux qui avaient été arrêtés. Ils étaient en colère car, disaient-ils, ces arrestations se sont faites dans le désordre. Les uns se rendaient à l'école, d'autres au marché, mais il y avait aussi parmi eux ceux qui se trouvaient encore à la maison. Ces centaines de gens arrêtés ce vendredi à Moussaga ont par la suite été relâchés, sauf un certain Kilengue. La police a expliqué qu'il était parmi les personnes recherchées. Suite à ces perturbations, le test cantonal qui devait se faire l'avant-midi de ce vendredi n'a pas eu lieu à l'école fondamentale Moussaga 1. Très fâchés, les élèves ont jeté des pierres aux policiers pendant quelques minutes. La directrice de l'école Espérance Ebidimana demande aux autorités que, si possible, les personnes arrêtées soient amenées dans un autre endroit pour éviter de distraire les élèves obligés de suivre les mouvements de ces policiers. Les policiers ont cherché les gens, après les amènent vers le camp jaune et les élèves crient parce qu'il y a leur pala, les frères et les sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis le matin, les activités sont arrêtées ici à l'école fondamentale de Moussaga 1. Nous demandons le désordre de défense de faire des activités très loin de l'école et ne cherchons pas les élèves à l'école parce qu'ils savent les quartiers d'habitation. La peur ne manque pas parce qu'on cherche les élèves à l'école alors que les parents savent que l'élève se trouve à l'école. La suite quand même n'est pas bonne. La libération de ces personnes était conditionnée par la présentation de leur carte d'identité ou cahier dit de ménage. Des membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme s'était rendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Merci Francine. Et la police nationale du Burundi a procédé également à plusieurs arrestations en commune Mugamba de la province Bururi. Des sources sur place indiquent que 4 élèves du lycée communal de Mugamba ont été arrêtés jusque ce vendredi. Un enseignant à cette même école a été également arrêté en plein cours. La police confirme donc à elle 4 personnes arrêtées jusqu'à ce vendredi, dont un élève, 2 éducateurs et un autre qui a terminé à l'école technique secondaire de Kamenge. L'administrateur de cette commune de Mugamba nous a promis de s'exprimer à ce propos cet après-midi. Il demande que la solution à la crise politique soit trouvée sans tarder. Ce sont ceux qui font le commerce dans différentes boutiques de la commune Gitega ainsi que des motards. Ils indiquent que durant ces derniers jours, ils travaillent à perte à cause de la crise économique que connaît le pays et ceux qui l'habitent. Pour eux, si la solution tarde à venir, il leur sera difficile de faire vivre leur famille. Suivez son micro, baladeur de notre correspondant à Gitega. Comme ceux qui font le commerce dans différentes kiosques de la ville de Gitega et de ses environs le disent, il y a un moment que la clientèle a sensiblement baissé. Ils expliquent cela par la pauvreté qui gagne de plus en plus le terrain au sein de la population, ce qui affecte même certains de leurs produits qui, après un certain temps, deviennent périmés. L'exemple est Ndaïze Oscar, qui a un kiosque. Il fait savoir qu'avant, il gagnait 5000 francs par jour, d'où 150 000 francs par mois, et qu'avec cette crise, il gagne à peine 2000 francs par jour, 60 000 francs par mois. Il indique qu'il perd 90 000 francs par mois. Ce problème existe également au sein des motards, qui ces derniers jours, leur effectif a augmenté car il y en a beaucoup qui ont quitté Bujumbura pour venir à Gitega à cause de l'insécurité qui règne. Ces motards indiquent qu'ils travaillent à perte du fait que ceux qui se déplacent en moto diminuent, deviennent de plus en plus rares à cause de la pauvreté qui gangrène la population. Jeanne Abonimana est motard. salaire indique qu'avant, il gagnait 15 000 francs par jour, d'où 450 000 francs par mois. Avec cette crise, il ne reçoit à peine que 3 000 francs par jour, d'où 90 000 francs par mois. Il dit qu'il perd 360 000 francs par mois. Cependant, que ce soit ces commerçants ou ces motards, tous disent que la pauvreté qui se trouve au sein de la population est due à la crise politique à laquelle le pays fait face. Ils soulignent également que cette crise a commencé à affecter d'autres secteurs de la vie du pays, comme l'économie, la santé et autres. Ils demandent aux politiciens de dialoguer, car pour eux, sans le dialogue, aucune autre voie n'est possible pour trouver la solution à la crise politique qui secoue le pays. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur, c'est une correspondance de notre correspondant à Gitega, et non un micro baladeur comme je le disais. Et le prix du kilo de sucre varie entre 2400 et 2600 rambou au chef-lieu de la province Muyinga. Les commerçants avancent le motif de rareté de ce produit, conséquemment à la réduction de la moitié de la quantité de sucre destinée à la province de Muyinga. Et pour le conseil économique du gouverneur de Muyinga, cela relève de la pure spéculation. Dieudonné Nzeimana. Dans différentes boutiques du chef-lieu de la province Muyinga, le prix du kilo de sucre varie entre 2400 et 2600 francs. Des boutiquiers signalent que le prix officiel de 1850 francs n'a jamais été respecté dans cette province. Aujourd'hui, la situation s'empire car la société sucrière d'Omoso Sushino a réduit de moitié la quantité de sucre destinée à la province Muyinga. Dans cette situation de rareté du produit sur le marché, certains commerçants projettent même vendre le kilo à 3000 francs par kilo. Baden de Jumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, reconnaît que la quantité de sucre destinée à la province Muyinga a été réduite. Auparavant, c'était 45 tonnes. Aujourd'hui, ça tourne autour de 20 tonnes par livraison. S'il est difficile d'appliquer le prix de 1850 francs par kilo, tenant compte du prix de transport, on peut vendre le kilo à 2000 francs bout. Vendre au-delà de ça relève de la pure spéculation. Le conseil économique du gouverneur de la province Muyinga demande aux consommateurs de dénoncer ces commerçants. L'administration est prête à les sanctionner par des amendes indictives. De donner les images. Merci Dieudonné, il est 13h07 à Bujumbura. Une pause et nous parlons éducation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les étudiants de l'Université du Burundi dans le nouveau système de baccalauréat du campus IPIA sont à la deuxième journée de grève. Ils accusent la direction académique de prendre des décisions qui ne favorisent pas leur formation, et la dernière étant celle interdisant une évaluation continue. Placide Niyomongere. Étant dans les enceintes d'Idi Campus, on dirait qu'il n'y a rien à signaler. De notre arrivée vers 11h, les étudiants des premières et deuxièmes années sortaient de leurs auditoires pour prévu de la deuxième session. Ils affirment qu'ils ne signifient pas qu'ils ne sont pas intéressés, mais craignent de rendre leurs années blanches suite à l'absence dans l'une ou l'autre prévue de la deuxième session. Ceux qui sont en mouvement accusent la direction académique de leur obliger de passer des épreuves somatiques au lieu d'épreuves continues. Juste après la fin du cours, les délégués et les étudiants s'organisent et maintenant, ces jours sont supprimés, disant la suppression de ces évaluations dont souvent dit l'évaluation continue. Et ce qui pose problème. Ils ajoutent qu'il est difficile de savoir quand ils vont regagner les auditoires sans que la direction ne retouche ces textes. C'est au cas où notre question ou bien notre problème serait favorablement résolu. Nous ne souhaitons pas d'être renvoyés, mais nous souhaitons la bonne gestion de la question. Nous avons essayé de chercher la direction académique, mais on nous a révélé qu'il est en pleine réunion. Merci Placide. Toujours en éducation, une trentaine d'élèves du lycée Bobanza sont déjà atteints d'une maladie qui les pousse à se gratter sur les organes génitaux. Le directeur du lycée indique que cela fait un mois que cette maladie a été constatée à ce lycée. De son côté, le médecin directeur de la province sanitaire de Bobanza appelle chaque élève qui a déjà été attrapé par cette maladie d'aller se faire soigner. Spes Caritas Kabanyana. C'est au début de ce troisième trimestre que cette maladie que le directeur du lycée Bobanza a appelée infection s'est faite remarquer à cet établissement scolaire. Serge Bayagirimana, directeur du lycée Bobanza, indique que cette maladie aurait été apportée par les élèves à la fin des vacances de Pâques et qu'elle s'est propagée par après. 30 élèves sont déjà atteints, dont 23 filles et 7 garçons qui se grattent fortement sur et à côté de leur sexe jusqu'à provoquer des blessures. selon les enquêtes faites par les responsables de l'établissement, le deuxième garçon qui a été atteint a emprunté une culotte de sport à son camarade qui était déjà malade et les autres se prêtent les essuie-mains, tandis que pour les filles, elles se contaminent quand elles se rendent dans les lieux d'aisance. Le directeur du lycée Mouvanza précise aussi que pas mal d'élèves ont préféré rentrer se faire soigner chez eux sans dire de quoi ils souffraient. Et les autres se sont fait soigner à Mouvanza même et ils ont guéri. Et il ajoute que les agents de la Croix-Rouge ont même fait la pulvérisation dans les enceintes de l'école afin de diminuer la propagation de la maladie. De son côté, le médecin directeur de la province sanitaire de Mouvanza précise qu'elle n'était pas au courant de cette situation et appelle tout élève qui est attrapé d'aller se faire soigner. Mouvanza, c'est Caritas Kabanyana, Radio Isanganiro. Nous parlons toujours éducation sur un autre registre cette fois-ci, le ministère de l'Éducation qui confirme qu'il y a beaucoup de cas d'abandon scolaire à travers le pays. Selon le porte-parole de ce ministère, le constat est qu'il s'agit d'un phénomène qui se répète toutes les années et l'une des mesures qui permet de limiter les cas d'abandon scolaire est la politique de gratuité de l'éducation selon Juma Edouard. Suivez le porte-parole du ministère de l'Éducation Juma Edouard qui relève aussi quelques causes principales d'abandon scolaire. Par rapport à ce phénomène, il y a des raisons qui peuvent être individuelles, liées à l'enfant lui-même, selon son comportement. Mais il y a des raisons qui peuvent être familiales, question de pauvreté ou question d'atmosphère générale de la famille. Il y a des raisons qui peuvent être liées à l'école, hein, parce que quand il y a manque de bancs publics, par exemple, quand il y a manque d'enseignants, ça, sur certains points, le ministère fait tout pour que, justement, assurer que les enfants restent à l'école. C'est pourquoi, par exemple, il y a eu des mesures comme la rentrée scolaire, il y a des mesures comme la réintégration des enfants qui ont quitté l'école pendant une année ou deux, qui peuvent réintégrer. Et que ces enfants sont accueillis. Ce sont des dispositions qui font que les enfants qui vont entrer à l'école puissent y rester autant que possible jusqu'au bout de leur cycle. Parfois, nous n'avons pas vraiment les mains libres pour pouvoir agir sur certains facteurs. Je parlais de famille, quand c'est la famille qui retient l'enfant pour question de coûts d'opportunité, il est très difficile au ministère d'agir là-dessus. Alors, je dirais donc que c'est une question récurrente et sur laquelle le ministère agit chaque année. Et c'est devenu même une préoccupation au niveau international, parce que le décrochage scolaire s'observe même dans les pays où il existe l'obligation scolaire, chose que nous n'avons pas encore fait ici. C'était Juma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale dans le reste de l'actualité nationale avant le reportage du jour. Je le rappelle, qui nous conduit à Montao pour nous parler de cette insécurité qui règne dans le site des déplacés de là-bas. Les travailleurs de la mairie de Bujumbura qui s'occupent de la salubrité de la capitale ont observé aujourd'hui en sit-in devant les bureaux du maire de la ville. Ils réclament les salaires de deux derniers mois écoulés. Certains d'entre eux indiquent que la mairie leur a donné des rendez-vous répétitifs, mais aucun n'a été honoré. Ils demandent qu'ils soient régularisés. À la source, reportage. Cela fait des jours qu'un climat d'insécurité règne dans le site de déplacés de Moutaro. Ces déplacés disent craindre des jeunes Imbonerakure qui feraient des activités paramilitaires dans les collines de Rurengera et Nyangungu. L'administrateur de la commune Moutaro dit que ce climat d'insécurité relève de rumeurs. Cependant, dans une réunion de sécurité ce lundi, Niyomongere Deni a suspendu le sport de masse qui se faisait à la colline Nyangungu. Reportage signé Joseph Nsabiyabandi de retour de Moutaro. Nous sommes au chef-lieu de la commune Moutaro dans une réunion de sécurité de ce lundi pour dénouer le climat d'insécurité dans le site Moutaro. Les habitants du site, les chefs des collines environnantes, le président des Imbonerakure dans la commune et les responsables de défense et de sécurité étaient tous là pour se pencher sur la question. En 4 mois, 28 personnes ont quitté le site en destination du Rwanda. Ndikumana Melchior est le président du site Moutaro. J'ai seulement été au courant des premiers départs. Il s'agissait de Léopold, Vincent, l'ancien député, en surnommé commerçant, Eric Mserevani. Les autres sont des élèves, Firbert et David, qui n'avaient pas de quoi faire. Ils sont partis chercher de l'emploi ailleurs. Les autres en sont partis un à un. Bahira Jean-Berkimas, habitant du site, indique que l'insécurité est à l'origine de ces départs. Pour lui, la menace vient des collines environnantes du site. Quand tu apprends qu'il y a des sports de masse qui se font ici et là, quand bien même je ne l'ai pas encore vu, je l'entends parler, c'est écœurant. On se rappelle d'un certain Luhara, lequel on disait qu'il possédait un fusil, ce qu'on a nié. Il a été prouvé que c'était vrai après qu'il ait commis l'irréparable. C'est pour cette raison que les rumeurs sont prises au sérieux, la référence étant celle de l'an dernier. Les collines de Rurengera et Nyangungu sont pointées du doigt. Les jeunes Imbonerakure y mèneraient des activités paramilitaires et des patrouilles pendant la nuit. Comme Nyonghuru, chef de colline Nyangungu, reconnaît que les habitants de sa colline font des rondes nocturnes après qu'un ménage ait été attaqué à la grenade faisant 5 blessés. C'était au début du mois d'avril. À partir de ce moment, nous avons commencé des rondes nocturnes. De lundi à mercredi, on se rencontrait sur une colline pour échanger sur la situation avec les représentants des sous-collines. Puis, tous les samedis à 7h du matin, la population se rencontrait à un endroit fixé d'avance pour aller tracer les courbes de niveau pendant les travaux communautaires. C'est là qu'on faisait un peu de sport. Quant au travail, on utilisait les pelles et les roues. Nous avons même des témoins parmi les habitants du site, car c'est tout près de la route. L'insécurité est ressentie dans le cœur, indique Bahira Jean-Berkimas, habitant du site. Selon lui, il n'est pas aisé de dire que toutes les personnes qui quittent le site s'en vont pour des raisons d'insécurité. Je me réfère sur un ancien député nommé Vincent. Il a eu beaucoup de problèmes. Son salaire a été suspendu. Puis des rumeurs ont circulé qu'il était recherché. Au bout du compte, il est parti. Sa fuite est compréhensible, mais pour les autres, personne ne peut l'expliquer. Seulement, la sécurité est ressentie au niveau du cœur. Une personne peut se sentir en insécurité à cause des sports de masse. L'administrateur de la commune Mutaho tranquillise que personne ne va attaquer le site. Niomungere Deni indique que le climat de suspicion d'insécurité relève des rumeurs. C'est à partir des actions visibles pendant la nuit du comité mixte de sécurité sur la colline de Nyangungu que les fomenteurs des rumeurs disent que ce sont des jeunes Imbonerakure qui se préparent à causer de l'insécurité dans le site de déplacés de Mutaho. C'est pour essayer de créer des décadences, des rumeurs pour que les habitants du site de Mutaho restent toujours dans la peur. Mais en tant qu'administrateur, nous leur avons dit qu'ils peuvent quand même rester ici en paix et vaquer aux activités quotidiennes. Au terme de la réunion de sécurité de ce lundi, le sport de masse qui a été fait à la colline Nyangungu a été suspendu. Les habitants du site Mutaho se sont dit rassurés et conjointement avec les autorités à la base des collines environnantes ont demandé que de telles réunions de sécurité soient multipliées pour toujours prévenir que guérir. Merci Joseph, ainsi se referme ce journal. Merci à tous qui l'avaient suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco d'Ouimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi à l'écoute de nos programmes.